fay 12 jours bëgg fay 6 jours imaginer lool manam bëgg wor 6 jours manam so perte 12 jours parce que amna 12 jours ci bir yo xamantene comme ci mbeureug bi lay bok par exemple après nga fay 12 jours muy 24 nga fay 6 jours après nga wor 6 jours bu fekké dene wéru sawal 29 jours la rek yow do 6 jours ni lool xajati voilà par exemple manam motax voilà ala kulli hal lolou meuna nek lolou meuna nek mais nak ñom ñaar il faut ñu distinct parce que dañu bëgg nga wor 6 jours yu distinct ak wër koor gi amma wër koor gi nak meun nga ko fay am nga droit fay ko fi ba at bi di ñëwaat fi ba benen wër koor bi di ñëwaat wallahu ta'ala alam day la té mu né bu féké julli na juma ci jappu bu fa may nañ ko bu julli ay naaf yo waaw lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal nako def comme ni mu sué ci hadithu sayna abdullah ibn umar ibn khattab radhiyallahu anhu légui sauf que yenenbi sallallahu alayhi wasallam keureum la ka da defé keureum la ka da defé comme ni nga xamné bé keureum moy neegu yaay shara da nan comme niñ ko xamé da ngay génné ci jakk ji rek dugg ci keur dugg ci bir neeg bi moy genn jaxé dugg ci bir neeg bi waya ala kulli hal naam fuqaha maliki rahmatullah alayh bolo ci ñom ñu bari dañ koy bañ dañ nan nono nak il faut nga xaar ba imam bi dem su imam bi demé ngay dogo meuna nafilo ci bir jakk ji mais ala kulli hal lolu par mesure de sécurité la au moment où gisunu won yenenbi sallalahu alayhi wasallam don ko def wallahu ta'ala a'lam waaw ki neena bu fekke da nga ñew joge sa dëkk dem ci benen dëkk waaw da fofu say bakkar dinañ la ko jéggal bu fekke ñaan bu borom bi waaw parce que xam nga loolu luñuy mëna luñuy nango ay ñaan la manam placeu tukki gog so démé ci place bo xamanteni muso fa moy yalla muso fa def bakkar fofu sax ñaan da fay daal di nango bokku na ci place yi nga xamanteni ñaan dañ ci nango moy place bo xamanteni muso ci def bakkar même té lolou adjuul ci dëkk ak dëkk sax tay bu ma joggé fi dem ci koñ ci bir banlieue lyonnaise bi wala ci bir lyon fo xamné sama tank musu fa téggu wala dugg ci kër go xamné sama tank musul téggu ci bâtiment bobu mën na ñaan sama adju parce que fofu musu ma fa def bakkar souf soso exactement musu ma fa def bakkar donc mais ci dëkk dëkk day daal di gëna fédeli ko rek wala wala Non, Maliki dañu bëru ci masala bobu bokul wala ah nekul li gëna parce que en fait nafila bi au moment où heure bobu nekul lu harama nafila heure bobu nekul lu parce que li tax manam du heure bi ci bopam mais le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam daan def li ñom dañu gis ne en fait comme yenenbi sallalahu alayhi wasallam li la daan def di def li manam c'est comme si def manam imam bi il faut mu djougué fa ngay do commencer nafila comprends voilà ñom non lañ ko gissé wallahu a'lam qabla salam ba'da waaw bu fekké na baada salam la mom sa xel faté ko ba ngeen dem ñaar ñetti at ñenti at fukki at téméré at bu la nexé da ngay sujjo baada salam su julli baxna bu dé baada la amma su dé qabla na nak da koy yak parce que da nga wañu won julli ji waaw mais lolu moy voilà lolu batay comme niñ la ko wax sank man lolou wax la jo xamantene parce que xam nga en fait digënd sujjo qabla ak sujjo ba'da question bi du question li mo war mais question li lañu sopp la lolo tax mais ala kulli halim comme niñ ko xamé fuqaha maliki rahmatullah ñom li ma len wax mom lañuy ubbé manam né su fekkenté né dama am heure bobu non dama wara julli dama wara sujjo jeureuf dama wara sujjo qabla té defumako sama julli gi da yaq parce que xam nga li tax nak moy dama wañi julli lool mom motax parce que tay bu fekkenté dama wara sujjo qabla likoy waral ci fuqaha maliki rahmatullah alayhi manam moy dafa am luma wañ ci sama bir julli te suma wañ ci sama bir julli lo xamantene warna ko sujjotal te sujjotaluma ko moy sama julli gi matul te bu julli gi matul bu deme ba benen waxtu bi genn et cetera da dal nek lo xam day yaq wala bu deme ba yag rek bu yagge tout rek day yaq mais su yagul mën na ko sujjot baxna legi mais su yagge sama julli gi day dal yaq yag gi ñu koy nakale ci nga genn jakka ji par exemple wala bok nga tok tok bo xamantene par exemple tay lu wara tolok par exemple ay 15 minutes 20 minutes yoy do lu yag na par exemple wallahi bu nek da nga wañi e ko fi nga tok jugewo fa mën nga julli wat li mën nga sujjotat baada salam do wa damay sujjotat baada salam mais su fekenteene fima kiwe qabla salam la wara sujjot manam manam en fait da ngay xamne digeunte qabla salam ak baada salam ni la def suma waré sujjot qabla salam suma wañé la ci sama julli suma sujjot baada salam moy suma yoké ci sama julli li moy règle générale légui su fekenteene dama wara sujjot qabla salam suma waré sujjot baada salam na ñëkke baada salam ma faté julli ma faté ko sujjot amul du yaq grawul sa yuma nexé ci sama bir aduna suma ko fatlikoo rek damay sujjot damay fekk ma yar ñap rek damay sujjot double qibla rek sujjot baada salam mu jeex baax budé qabla salam la nak affaire bi du démé nonu parce que dama wañi sama julli kon bu yagge day dal di julli gi ci bopum day dal di lan day dal di yaq julli gi ci bopum day dal di yaq non dang koy fayat waw waw wa question est de ce valeur qu'est-ce que tu as la carte de mise wa dañu fa sante wa ah dafa am ci bir medd yi dafa am ci animaux yi ño xamantene dañu dund ci bir geej di dund ci jeeri ji wala dañu dund ci geej di dund ci jeeri ji comme jeusit comme bot comme kan fok du def lool hippopotame crocodile tortue aussi hippopotame crocodile wa crocodile waxon nañ ko moy jeusit ñooñu sen julli ñooñu bo kiwe do du yak manam buñu saxfullah sen medd la bëgg wax ñooñu sen medd ñom dañuy yor atté medd jëri ji parce que comme li yenen ci wax sallallahu alayhi wasallam at tuhuruma wa huwa al-khallu okay may tatu meddum la wax manam moy meddu ko xamanteni ci geej kesse lay dund mais amna boudé day dem di nek ci jëri ji di delu ci manam day dal dootul meuna yorati atté bahri manam atté kuy dund ci geej kesse té so xolé souvent ñoñu non buñu dund ci geej ci dex lañuy dund souvent ñoñu ci dex lañuy dund voilà naam até dex manam dex dañ ko yobbu ci geej ci manam dañ ko ko manam bi tabay ya lañ ko wax manam daf ko top rek ngir bari wayu ndox mi mais top ko ci at yeb ci anam jep comme par exemple ci question bi ni nga xamantene animal bi lay dund ci dex di dund ci geej di dund ci jeeri ci deug la naam amna ay pitch yo xamantene par exemple ñom da ngay leen di souvent ci geej gi lañu nek mais dañuy naw ñoñu tamit seen medd du dagal ñen seen medd du dagal parce que manam buñ dé dund ci jéri ji rek di am part de vie ci jéri ji rek loolu dootu mëna nekkati d'ailleurs loolu mom moy différence comme niñ la ko waxé bi nga xamantene mom mo am ci meddu geej ak meddu jéri comme niñ la waxon lucy rahmatullahi wa rahmatullahi ne sen différence mi ngi résider sen medd ci contact biñuy am ak ngelawli ak jant bi moy tax medd be dagan te benen medd bi haram wallahu ta'ala a'lam moy julit en tant que tel du dagan nga bañ ko ngir julite gi nek ci mom manam ngir statut julit bi mu amé sauf que meun nga bañ jikko ji mu amé wala nga bañ jëf ji mi jëf mais do ko bañ mom en tant même burul attention lolu yamul ci julit sax même yéfer yeufir do bañ jëmum en tant que nit ki mais li ngay bañ moy kéfir gi mu amé donc ce qui fait que comme mom moy statutum nak statut bobu nga bañ statut bi mu yor mom nga bañ comme statut bobu nga bañ nak té mom moko rango légui da ngay da fay jaar bañ ko ba kéro mu ci génn mais su amé jikko bu ju bu rafet nga bëgg jikko jël su yoré deug nga nangul ko deugum parce que ñu bari da no mënul différencier entre bëgg surtout sénégalais daf leen jafé manam daf leen jafé ñu bëgg nit rek ba paré di mëna d'accord né par contre deug la mais li défaut la wala li erreur la wala li njumté la wala li d'accord baxul ñom dañu japp né buñu xëssé bu bëgg nit koka dañ ko wara défendre à tort et à travers lu mu meuna def dang ko wara defane fek nak mbir mi demewut nonu deug yalla moko mom kenn du nat nit ñi ci deug mais deug lañuy tek comme balance nit ku nek ñu tek la ci xol ban poids nga am mais duñ jël nit ñi rek tek leen ba bare di xol nak deug à travers ñom dedet manam di xol ne ñom luñu def wala luñu wax loloy deug dedet deug lañuy tek mu nek ne ku ñew rek ñu na la ëte yéegal ci balance deug mu yé ñu nak poaw jeex na ce qui fait que ni du nit ñi lañuy xamé du deug lañuy xamé ci à travers nit ñi mais nit ñi lañuy xamé à travers deug yu'raful haqq yu'raful rijal bil haqq wala yu'raful haqq bil rijal lolu il faut que parce que il faut que mu nek lo xamne dañ ko wara comprendre de telle sorte que yifir sax ak julit buñu amé problème bu fekké dina yifir julit bi mo togn ñu né sa way yow ya togn yaay julit bi yaay imam wu dëkk bi yaay sëriñ bu mag bi mais yifir bi ya ko togn ya ko tiriyande ya nangou soufam ya ko han wa bien sûr parce que wala des fois wa moy sañ wa ah wa do du ben effectivement parce que aussi buñ né ñun lool effectivement sétlu na plusieurs cas de figure dès ni non ki mom waxatu deug la alors que limi tekki moy dafa am fit manam limi xalat da koy wax lolou lay tek mais tekkiwul ne limi défendre en tant que tel moy deuk amna différence entre may wax limay xalat ak limay wax mu nek réellement deuk ñu identifier ko clairement xamni mi ngi ni donc amna différence légui buma xamé ni li moy deuk damay daldi mëna atté né manam kep ku ci nek rek kok lañuy nangul legi jikko yi tamit non la demé jikko yu bax yi kep ku ko am jikko joju dañ koy bëgg ci yow bu dé julit nga parce que dañ la bëggoon d'abord parce que julit nga dañ lay gëna bëgg parce que da nga am jikko loy gëna rango jikko yu rafet yi di gëna sori jikko yu bon yi suñu bëgg ci yow di gëna yok su fekkene ni yéfer bi la dañ koy bañ parce que yéfer la waye bu rango yu jikko ju rafet ñu d'accord niki niki nak ay yefel la mais amna jikko ju rafet am te beug nañ jikko ji nek ci mom lol man na ne lol man nako identifier sama xel lumuy gën ni nak rango jikko yu bon ñukoy gëna bañ ndax jikko yu bon ni ne ci mom li dal mom mo ci xantal legi mu dess lan benn parti bi ci lanata la won andando bi fréquentation wa fréquentation mom dafa nek lo xamantene parce que wax bi imam al-akhdari wax parce que mom nga jundou rahmalallah ne wala yahlu lahu suhbatu fasiqin wala mujala satuhu illa li darurin shar'iyyin comme niñ ko wax du lol la bi ghayr darurin shar'iyyin dagalul nga andak katchor dagalul ci mukallaf julit bu mak mat nek majeur ni manam nek responsable muy andak katchok wala muy jotayo ak mom luddul lo xamantene sharia permettre nako parce que nécessité la wax joju du luñu joyal manam du lo xamne sa yo gisee kuy def lu bon rek amo droit tok ak mom wala sa yo gisee kuy def lu bon rek dang koy baye bu don lol la kon ñaari nit duñu and parce que nit bala mo yegg niveau bi mi amé bi mi sété ci lepp lu bon lolou niveau bu kawé la affaire bi du luñ doyal mais nak bu féké dé né katchoré dafa nek ko xamanténi katchor la en réalité moy fasik manam dem di def lu bon de manière claire lu haram lu moy bakkar bu mak wala bok mu sax ci bakkar yu ndaw lolay katchor moy ko xamné da fay def bakkar bu mak de manière publique wala bok mu sax ci bakkar bu ndaw né de manière publique par exemple ñu jël exemple ñu ki bi la wax na dafa ci ci bakkar ko xamantene tay par exemple day nan sangara bakkar bu ndaw la wul bobu mak la bu mak la mu ko def manam ñu gis ko ci mbedd mi muy nan sangara nubu ko yow waro dem di nek xaritam di and ak mom comme ñepp ba mu dess ci cadre figure lool moy ciosan lool la ñew lool la lool la ma wax dara wax wala bok muy def bakkar bu ndaw mais sax ci bakkar bu ndaw moy lan parce que nit bu saxé ci bakkar bu ndaw il faut pour mu nek katcho il faut que mu nek ci anam go xamantene day yeglé ni ki xolam manam dafa doyalal diiné ji motax parce que lolo tax bakkar bu ndaw xam nga bakkar bu ndaw danaka ñu ci muccu bari wul mais li tax ñu préciser ni nga sax ci moy wi ci moy ne dang koy def ci anam go xamne day bari bari way bo xamne day wone ni nak ki nak mom dafa faale wul diine ji manam mom diine ci bo amul bo ci xol bi ñu jël exemple biz bakkar bu ndaw la wala bu mag la bu ndaw la mais nit ki bu ci saxé day nek katchor parce que litax muy nek katchor katchor moy pervers lutax muy nek katchor moy sax gem ci sax moy wané ni yalla amul poids ci xol bi bayiwul xel diiné ji nekatul lu ndaw lolu wa le fait que mu sax ci motax manam lolu tax ñu différencier entre bu ndaw ak bu mag parce que bu mag répétition bu bari bi jaruko bu mak le fait que nga diko nga def ko de manière publique ñepp gis la nga def ko ci mbedd mi moy wané ni yow amu faalé wo diiné xam nga tay ku am diiné du nan sangara ci mbedd mi bu koy def bu démé ba am yalla netto ko sax da koy nan ci da koy neubatu diko nan ya ngi deg wala bok muy dekk ak jigen jo xamné takku ko ñepp xamni ki kat mo dekk ki yaangi deg elen mais mu pool mi ñu dekk appartement bi ñom ñoko bokk ay conjoint lañ té takku ko mais elen ak pool buñu dekké ñom garawul ci ñom non li tax ma wax dama bañu jëfëndiko dama bañu ah ñu xamné ah ñom kat ñoo dëkk fi té ñoo bokk neeg bi ñuy fanan koku ka cior la té loolu même bu dé benn jour la ko def ñu xamné kat Hélène Day jugé na Grenoble sétina pour mi ci Saint-Étienne tiit kéro ño bokk fanu fanan mu afficher ko de manière publique neub ko kenn lolou moy kacior lolou moy lolou ben la maintenant lolou moy boko defé ben yon de manière publique manam de manière bo xamné neub ko lolou moy kacior parce que day wone ni yow en fait da nga faalé wul manam donc affaire bi amul doola ci yow amul yow amuloko ben importance hein alors que tay bu fekké né biz la dafa gëna faible lolu c'est que biz bi mën na la dal parce que voilà tay dama rousoul xam nga lolu mën na dal nit non c'est que dama xam nga nit ñi ñepp ngi fi won bu mo bizul won ciow le mbam mi damay top nit ñi dañ may mbam mu naan waaw ki mom ha kaw kaw la rek xol ko gaay ki ni du koy biz muy bañ fi ha legui mom ibadu la quoi wala yoy non xam nga manam dafa russe lolou kokou xam nga bokou la ki nga xamne daf ko baña def parce que yalla mo important wul ci mom parce que xam na ni yalla dakoy téré mais bon c'est pas grave xam nga bokoul mais le fait que mu koy répéter nak sax ki sa yu occasion présenté wo mu neca moy wana ni ki en fait dafa joxul importance yalla lol moy kacio kokou nak la la wax ne la amo droit di fréquenter ko mais lol la la wax ne la du luñu joyal c'est à dire que du lo xamne dañ ko tek rek de manière absolue dafa am tekantal dafa am cas de figure yo xamantene day dagan manam day war sax day war ngay and ak kokou am cas de figure yo xamantene day xaram nga and ak kokou tay su fekkante ne kokou yow so ande ak mom manam waji comme pole biñ doon wax sank ha comme pole biñ doon wax sank su fekkante ne and gi ngay and ak mom moy waral ah mu ne nak mom vraiment rouss na nak bi pa di accueillir at Hélène quoi par exemple parce que nak non xam nga bu duma non vraiment rousna seigne Khalidou quoi duma and ak mom ba faré ñumay gis ak mom may accueillir Hélène quoi hein boudé nonou lay xalaté kokku wala bok ah man day comme ñom hein ñom diw lay andal dal non vraiment ay bis ak yoy sax dama koy bayyi quoi mudé mom non lay xalat non affaire bi dafa metti rek mais dina ko bayé kokou da nga war di and ak mom parce que soko bayé day tomber ci benen côté bi dodo day tomber ci benen côté bi ha mu am yenen cas de figure comme cas de figure ko xamantene tay comme cas de figure ko xamantene tay bo ande ak mom manam le fait que nga bayiko ngien bayiko waxat wax lu waxtano lek mom do amo len ci mom soxla lolou day tax mu def comme siwu manam japp ne manam ah lama ci don set sax legui setutumako ci amatul dara luma ci set parce que baye nan ma tout tranquille legui damay am liberté nak legui ci sama def ju bon ci ma nek kokku nak bu boba da ngay war ni and ak mom tamit manam diko fréquenter pour au moins atténuer danger bobu ci mom au moins ngeen nga parce que am nga espoir kokku da le long terme nga récupérer ko mu am ko xamantene kokku le fait que ngay and ak mom day gëna deugural limu nekk manam moy mune man de pourtant mom mi ngi def nankam mais mom serigne diw lay andal manam day tax muy gëna légitimer limu nekk kokku day dal xaram nga and ak mom wala nga xamantene yow nga and ak mom nga boycotté ko am manam boko day xaram nga baña and ak mom cadre figure bobu imam al-akbar rahmalahu lolo wax na la day dal xaram nga and ak mom ngay ko koy fréquenté nga ngay jotale ak mom amna benen cadre figure sam bo xamne day xaram moy le fait que so de and ak mom manam manam so and ak mom du yek pression mais soko baye le yekne socialement amatu manam le yek pression sociale parce que le fait que ken nangoutu ko fréquenter lol day tax mune ah way man dal ñepp fim tollu ba nañ ma sama and ndoy bax yepp fim tollu ki ñi ma doon andal xam nga ñi ngi may baye nangoutu ma fréquenter ñangoutu ñoo and ak man ñangoutu ñoo jotaayo ak man bu boba koku day da nek farata nga baye ko parce que lol muy indi pression bi tax mu delu ci yoon bu bax ni motax yeb ay tekanta la lat mais duñ ne rek ah wala imam al-akhdar rahmalahu neena buñu tok ak jotaayo ak katchori rek ngani no kon dur kon dans tous les cas du mak dede mbir mi demew non dafa am tekantam dafa am ay cas de figure selon cas de figure bi yow yaay xam ki kan la ak ki la comme yeen xamanté ngeen wala nga xam am pour ban cas de figure ngay utiliser ci fofu wallahu ta'ala a'lam dafa am la non une question dafa am lo xamantene farata la ci ñu fas ko ci sen ci ñun ci suñu xol vis-à-vis de ñun moy luñu tuddé al-asma moy na ñom masumuna lañ manam moy ño xamne dañoo ñong ci bakkar manam moy dañoo am luñu tuddé infaillibilité dañoo infaillible duñu def bakkar duñu def lu haram bëpp texte muy alquran wala hadith wala yenen muy tektele ne yenenti sangam dafa def bakkar lolou tektele wul comme ñun li ñuy wax bakkar comme ñom dañoo infaillible parce que lolou règle la bu am solo bu ñu wara xam parce que yenenti bu fekkenti ne infaillible lan lay tek parce que yenenti dañu nek dans l'obligation top ko su fekkenti ne mom infaillible limi tek moy ñun du ak di def ay erreur bu day def ay erreur limi tek moy ñun comme dañ ko wara top té day def ay erreur ñun duñu xam bu défé erreur kañ la dëgal source nga ñu war ko mëna top ah bi ñu ana cette fois-ci dafa def erreur duñ ko top ñun xamuñu ko au moment où mom la yalla waxal directement wo ñun waxul ñun donc ce qui veut que ni li yenenatu mom alayhi salam sallam ñom duñ def erreur duñu def bakkar sauf que dafa am luñuy def ñom moy ci digënté ñaari mbir benn bu baax ak bu gëna baax ñom ñu yam ci bi baax baña def bi gëna baax à travers loolu nak mbolëm yi ñi leen di tuddé ci ay bakkar ay nangam ci fofu lay dugg mais du dugg abadan hein ci bakkar bo xamantene dañ ko def ni meun nañ ci ittihad la dugg mais defuñu erreur tam ci sen ittihad ittihad moy effort bo xamanteni dama koy def pour meuna genn ben atté wala ma am ben avis wala ma ben wax wala ma def ben def lolou ñom affaire bobu du am erreur manam du erreuru ittihad mais luñu def la lo xamanteni entre li gën ak lu gën entre lu baaxa baax ak lu ko gën rek la ba entre lu baax ak lu ko gën de lu baaxa baax ak lu ko gën ñom fofu lañuy défé sen erreur yépp liñuy tuddé erreur fofu lay aju mais du aju ci lo xamantene ba paré tamit benen mbir moy lo xamantene ak la buñu xamal parce que ñom tout temps dañuy gëna xam kan moy sen borom dañuy gëna xam yalla comme dañuy gëna xam yalla moy nima ko xamé won demb budé tay nima ko xamé mo gëna fort considération mo koy jox gis bi mo koy gis nima koy jaamo nimay incarner le fait que mo nek jaamam day gëna fort kon ce qui veut dire que ni demb manke lo nako ay droit yo xamantene tay matal nako ko lolou lañu tuddé bakkar mais tekki wuñ tuddé wuñu bakkar comme ñun niñ koy tuddé ki dafa ray nit dafa ndialo dafa wax lu lu deug dafa togn et cetera de def abadam wallahu ta'ala ah c'est par rapport à wulli wa par exemple les bonnes choses dans la vie c'est ça ben furi par exemple dans le sang puis voilà je pense que c'est pas ça pour le moment on est dans le pour tel est-ce que dans les mais pas qui que garay dans durée là hier le qui dans ak pogo non dina daga na sol ko wala le voilà lool mom moy question yi nga xamanteni mom lañu wara traiter ci masala yi voilà mais dal duñ koy teunké mom moy comme hadith bi lim wax iza dubi khal iba iza ku faqat tahura lool moy inshallah dinañ ko gis moy nak moy gëna deugël inshallah moy der buñ ko wulé rek da dal lap comme la gafé dal lap boba tamit dañu dal du mëna atté ci né lool kon dana dog na jëfëndiko mais dinañ ñëw inshallah ci manam question yi nga xamanteni ñom ñoo ci manam ñom ñoo aju ci masala yo yep ci gën ko yaatal bu ñu ci jotay yi di ñu inshallah wallahu ta'ala hein non du jotay bi non c'est que comme ay inshallah ala sample la ko Allah wa nuwazfo inshallah